Tu m'accompagnes à travers quatre saisons, en regardant ton visage solitaire. Des vagues de tristesse surgissent dans mon cœur. Je n'ai jamais apaisé ta tristesse, ni jamais pris soin de ta solitude. Tes paroles sincères répétées, je suis si obstinée. J'attriste toujours ton cœur et te laisse toujours tomber. C'est seulement après avoir été châtiée que je le réalise un peu. Que je sois à tes côtés, je ne peux pas porter de fardeau pour toi. Pas tes difficultés à causer désir et de la chair. J'ai oublié la vérité et la morale. Rempli de remords, j'ai longtemps brisé ton cœur. J'ai mis sans à causer. Chagrin, tu ne comprends ta peine. Qui a la conscience et la raison de partager quelque peu tes soucis? Ton cœur est très bon, l'amour. Je resterai à jamais.